cette interview enregistrée en septembre 2018, Ouriel Zohar, auteur, acteur, dramaturge et metteur en scène, professeur de théâtre au Technion, Institut de technologie d'Israël à Haïfa, présente son expérience de diffusion interculturelle de l'enseignement d'Omram Mikaela Ivanov en Israël. Bienvenue, nous sommes sur le canal radio de Bonfinwood et nous sommes vraiment super heureux aujourd'hui de vous accueillir, Ouriel Zohar. Vous êtes un homme de théâtre. Oui, c'est vrai. Donc, un homme de théâtre en Israël, n'est-ce pas? Oui, aussi, en France aussi. Nous avons joué déjà dans je ne sais pas combien de pays, des dizaines de pays, hein, en Europe, en Asie, en Inde, en Afrique, au Congo-Brazzaville, au Canada. Et quel est votre parcours en tant qu'auteur de théâtre que vous aimez mettre en scène et interpréter? Actuellement, on fait des pièces de théâtre pour les enfants. Nous avons créé un contact avec Amazon. Et nous avons publié à Amazon au nom de Ouriel Zohar. Ouriel, c'est O-U-R-I-E-L. Et ceux qui veulent entrer, ils peuvent lire des pièces de théâtre pour les enfants de tous les âges. Ça veut dire de l'âge de 5 ans jusqu'à 99 ans. Ça veut dire pour tous les enfants. Et avant, pendant des années, j'ai monté 70 pièces de théâtre dans le monde et en Israël, et dans l'université où j'enseignais à Haïfa. En plus, c'est une université plutôt technique, voire technologique. Oui. Donc le Technion en Israël, c'est une école pour des ingénieurs, pour médecins, pour l'architecte, pour des études très spécialisées dans le domaine des ingénieurs, quoi, disons. Parce que c'est ça leur centre scientifique. Et moi, je pensais que le théâtre, comme il est actuellement, ne peut pas aboutir à quelque chose qui peut être utile à l'humanité. Mais si je fais un lien entre l'art, la science et la religion, j'arriverai à faire quelque chose de nouveau, influencé par Omram Mikaela Ivanov. Alors, Omram Mikaela Ivanov, déjà, qui c'est? Omram Mikaela Ivanov, c'est une divinité incarnée sur Terre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est né d'une mère et d'un père en Bulgarie, qui a souffert énormément, qui a passé des épreuves que je souhaite à personne, mais avec cette épreuve, il a fait une évolution météorique. Et il est arrivé très très loin dans la pensée, l'approfondissement de la pensée, la spiritualité, la connaissance très profonde, mais surtout vivant de la Kabbale. Surtout la Kabbale, c'est ça qui m'a attiré énormément parce que j'ai trouvé chez lui quelque chose que je n'ai jamais trouvé chez le kabbaliste. C'est cette capacité de vivifier la Kabbale. La Kabbale en lui, ce n'est pas une théorie, c'est une vie. Il vit la Kabbale jour et nuit. Et moi, comme un enfant qui est arrivé ici, je suis arrivé d'abord en 72, j'ai entendu parler, ensuite en 75, j'ai commencé à étudier. Et je suis arrivé la première fois il y a 41 ans. Et là, j'ai vu quelqu'un qui vit la Kabbale au quotidien. C'est ça qui m'a attiré énormément, comprendre, à étudier. Alors, ce qui est amusant, c'est que votre nom, Zohar, c'était prédestiné presque pour avoir cet intérêt pour l'ésotérisme. Parce que le livre du Zohar, c'est un livre célèbre justement dans les études kabbalistiques, on va dire. C'est vrai. Donc, pendant que j'ai fait la thèse de doctorat à l'Université de Paris 8, l'essence des sacrés dans la société de théâtre comme une source d'inspiration collective et universelle. Et il paraît que ça va parce que c'est enregistré très bien dans la bibliothèque à l'Université de Paris 8. Et là, je traite aussi de la pensée d'Omram Mikaela Ivanov et la réalisation dans la vie quotidienne parce qu'il a réussi de créer un lieu où la vie fraternelle paradisiaque se réalise de quotidien. Et c'est en réalité, si on pose la question, qu'est-ce que c'est le Zohar? Qu'est-ce que c'est le Sefer HaBa'ir? Ce sont les livres essentiels de la Kabbale. En réalité, c'est de vivre la vie divine. Et c'est ça qu'il nous a enseigné et il nous a donné un exemple quotidien de sa façon de vivre. Donc en réalité, le livre de la Kabbale, c'était lui, parce qu'il dit même, que tout ce qu'il fait, c'est de créer un livre vivant. Mais lui, il était un livre vivant de la Kabbale. Alors, cet intérêt pour la Kabbale et on va dire pour l'ésotérisme incarné, à un moment donné, votre parcours, là où il devient assez fascinant, c'est que vous décidez de le porter dans un travail théâtral et dans un travail pédagogique. Oui, d'abord, c'est la rencontre judéo-arabe en Israël. Ensuite, c'est le travail, disons, de guérison des étudiants, parce que l'essentiel du travail que j'ai fait avec les étudiants scientifiques, c'est d'ouvrir leur cœur, parce que les étudiants scientifiques actuellement en Israël, mais dans le monde, ils vivent comme des robots. Ils sont en train de mettre le computer dans leur tête, parce qu'ils les utilisent tellement qu'à un moment donné, ils vont dire ben, c'est mieux qu'on met ça dans la tête, parce qu'avec la tête, on n'a pas besoin de taper sur rien. On dit ouvrez les fenêtres vont s'ouvrir, ouvrez les portes vont s'ouvrir. Mais seulement il paraît que quelqu'un qui a eu il est allé chez un dentiste pour réparer ses dents, et quand il est rentré pour ouvrir la porte, et il a dit ouvrez la porte, mais la porte n'a pas compris parce qu'il a changé sa voix, parce qu'il avait des gens, il avait mal, ouvrez la porte, ouvrez la porte, et la porte ne s'ouvrait pas parce qu'il ne comprenait pas sa voix, il a changé sa voix. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention avec tous ces computers et toutes ces intelligences artificielles qui commencent à nous dominer dans tout le domaine. Donc je me suis dit, si j'y vais dans une école scientifique, il faut que j'ouvre le cœur des gens pour que ils comprennent déjà qui sont-ils et comment ils créent des relations humaines avec les autres. Et tout nous sommes mis l'accent sur les histoires personnelles. Et là, tout a été découvert. Au moment où les gens racontent leur histoire personnelle, dans une vie de théâtre, ça veut dire avec le jeu de l'acteur, avec la mise en scène, avec les cours d'écriture dramatique, les étudiants commençaient à être engagés par leur vie personnelle pour vivre leur vie personnelle sur la scène. Et c'est là que le problème était présenté. Et avec le théâtre, on peut presque tout résoudre. Parce que le maître a dit quelque chose, Omra Mikhaïl Ivanov, il a dit quelque chose de très intéressant au sujet du théâtre. Il a dit, d'abord il y a l'initiation. L'initiation, c'est la chose la plus importante. Et d'ailleurs, quand il a dit ça, je me souviens très bien dans son jardin, quand le maître s'élève d'un seul coup, ça veut dire qu'il va dire quelque chose de très important. Parce que tout à l'heure, il était là, gentil, comme une mère adorable, et puis il nous explique plein de choses, mais soudainement il s'élève. Et tu dis, quelque chose de solennel va sortir maintenant. Il est en train d'être en une inspiration fantastique. C'est la Kabbale, ça. D'un seul coup, il dit, c'est l'initiation d'abord, mais tout de suite c'est le théâtre. Ça veut dire que dans le théâtre, ça veut dire le théâtre c'est tous les arts. C'est la radio, c'est la musique, c'est la danse, c'est la peinture, c'est tout ce que tu veux, tout l'art. Il dit, dans l'art, on peut créer les meilleures initiations pour initier les êtres à améliorer leur vie. C'est exactement ce qu'on a fait dans le théâtre. On a donné aux élèves les moyens de réparer leurs problèmes, leurs difficultés dans la vie quotidienne, avec le théâtre. Donc l'idée en fait de ce concept de théâtre thérapeutique que vous avez créé, vous avez donc incarné et fait vivre dans ce Technion Institute à Haïfa, c'était donc de scénariser quelque part, de faire sortir de soi et de mettre sur une scène les problèmes personnels et d'arriver par un jeu d'acteur et d'interprétation à résoudre ces difficultés. Et là, je crois, dans une précédente conversation, vous m'avez indiqué que, en fait, c'était ce théâtre thérapeutique était loin d'être innovation, qu'on était là, en fait, aux sources même du théâtre grec antique, et que le théâtre, en quelque sorte, était né de cette idée-là. Oui, j'étais en train de faire une recherche avec un spécialiste, justement à l'autre université de Haïfa, et ce spécialiste, Arthur Segal, il était spécialiste, justement, de théâtre antique. Et lui, on a fait une étude ensemble, on a fait des recherches sur le théâtre, mais à un moment donné, on a commencé à parler de ça, et il a dit, à l'époque, déjà, il y a bien avant Jésus-Christ, bien avant, il y a plusieurs siècles avant, quand il y avait le théâtre antique en Israël. Il a dit que on présentait des pièces de théâtre qui concernaient les rêves, et ensuite on demandait aux êtres qui venaient assister à ces pièces de théâtre de rester pendant une semaine, et c'était une semaine, une sorte d'étude de soi-même à travers le rêve ou les événements qui se sont suivis, les rêves qui sont arrivés la nuit. Donc, ben, ils ont vécu ensemble à travers la connaissance des metteurs en scène, à travers les gens qui étaient des spécialistes peut-être de méditation, peut-être des analyses de rêves, peut-être des spécialistes de ces domaines-là, qui analysaient les rêves et ensuite mettaient en scène pendant 7 jours. Alors, on va revenir hein, sur cette innovation, ce parcours thérapeutique, on peut dire, hein, de guérison des âmes à travers le jeu théâtral. Mais il y a une phrase dans votre réponse tout à l'heure qui m'a intrigué. Donc, vous avez parlé dans votre parcours des rencontres judéo-arabes. Alors, évidemment, en Israël, c'est un sujet, et pour le monde entier, c'est un sujet de préoccupation, un sujet de tension. Et donc, comment vous êtes situé autour de cet antagonisme-là, en tout cas de cette tension, on peut dire, sociale, politique? En réalité, j'avais peut-être 11 ans, la première fois, quand mon frère, lui, il s'appelle La Paix, il s'appelle Shalom. Et lui, il a eu un ami dans le kibboutz où nous habitons à l'époque, parce que je n'habite plus. Et il a invité un copain arabe, musulman, de venir à la maison, chez nous. La maison dans un kibboutz, c'était quelque chose de très humble. Il y avait une pièce et demie. Hein. Ma mère vivait dans une pièce et demie. Et même une famille. Nous étions dans la collectivité. Mais elle était vraiment pas très contente de voir un arabe chez elle quand il est arrivé la première fois. Et quand il est parti, elle disait à mon frère, jamais, j'ai peur, mais il y a des fédéines, il y a des terroristes à l'époque, quand j'avais 11 ans, c'était en 63, 64, donc elle a eu peur. Mais en réalité, mon frère n'a pas écouté, il a continué à amener cet arabe musulman, qui s'appelait d'ailleurs Areb, et il venait presque une fois par semaine, ou quelque chose comme ça. Et en réalité, c'est notre frère, c'est mon frère, Shalom, qui nous a fait une initiation aux relations judéo-arabes. Et il nous a fait comprendre que c'était un être humain, que c'est comme nous. Moi, j'avais 11 ans, donc j'étais de côté de ma mère au départ, bien sûr. J'avais peur comme elle. Mais après, quand on a eu l'habitude, mais après, on était invité même chez lui, on a commencé à créer un contact très profond. Suite de ça, j'ai eu un contact avec, quand j'ai étudié à l'université de Tel Aviv, le théâtre, pour le premier et le deuxième degré, donc la maîtrise. Et il y avait un musulman arabe, Mohamed Bakri, qui était un acteur qui est venu quelques années, 20 ans, 30 ans après, il est devenu un acteur très connu à l'époque. Donc, quand on était amis, et moi j'habitais dans une chambre à Tel Aviv, dans une toute petite chambre, mais lui il me disait tout le temps, mais je n'ai pas un endroit où habiter. Il faut que tu me laisses dormir chez toi. Et de nouveau, j'avais un peu hésité. Et puis, il me dit, mais je ne peux pas habiter ailleurs. Hein. Je dois tout le temps chercher un endroit pour dormir. Parce que quand je vais louer une chambre ou quelque chose, on me dit, ah, arabe, ah, ben, musulman, bon, on vous contactera une autre fois. Et puis, c'est tout. Donc, il a eu ce problème. Donc, je lui ai laissé dormir pendant 2 ans chez moi, dans ma chambre. Et pourtant, je n'avais pas tellement de place. Et puis, quand j'ai amené de la nourriture, parce que je n'avais pas d'argent du tout à l'époque, et on partageait la nourriture, partageait tout. Et ensuite, après, c'est lui qui m'invite dans son village. Et c'est là que je commence à apprendre quelques mots en arabe. Je commence à habiter dans son village et connaître un peu la structure, la tradition, la vie, surtout des musulmans, parce qu'il y a aussi des chrétiens, mais des chrétiens, c'est, disons, pour moi, les chrétiens, c'est comme les chrétiens en Europe. Il n'y a pas grande différence, c'est la même chose. Mais les musulmans, c'est différent. Et donc, je voulais vraiment comprendre leur façon de vivre, leur façon de réfléchir. J'ai connu son père, j'ai connu sa mère, ses frères et sœurs, etc. Et donc, j'ai suivi tout son parcours. Et ensuite, plus tard, aux années 90, ensuite, après l'accord de la paix d'Oslo, c'est lui, qui, cette fois-ci, qui m'a invité de faire une production. Et là, on a reçu le premier prix au Festival de Saint-Jean d'Acre, que c'est un festival de pièces de théâtre international, mais c'est des pièces de théâtre alternatives. Et donc, avec lui, donc, on a fait ces parcours, ces pièces que nous avons jouées. D'ailleurs, j'ai joué aussi sur la scène. Moi, j'ai joué en français et lui, il a joué en arabe et en hébreu. Donc, c'était vraiment une collaboration d'amitié de longue date. Et tout ce travail s'est donné beaucoup de bons résultats partout, et même en Israël. On était invités à la télévision, à la radio, on parlait beaucoup de cette amitié, et puis ça est devenu assez connu. Mais en même temps de ce parcours-là, j'ai créé dans une branche universitaire à côté de Kfar Saba, entre Kfar Saba et Tira et Taïbe. Ce sont deux villes que normalement, certains ont un peu peur d'entrer là-dedans. Surtout Taïbe. Taïbe, c'est une ville que même le maire, quand il était nommé par le ministre de l'Intérieur de l'État d'Israël, il devrait venir avec deux voitures de police de deux côtés pour entrer, faire sa fonction comme maire dans la ville. Et moi, qu'est-ce que j'ai créé avec cette ville? Des relations judéo-arabes avec les enfants. On a démarré avec les petits, l'école primaire, des rencontres judéo-arabes, et ensuite on est allé vers le collège, l'âge de 12 à 14 ans, et ensuite plus tard à l'âge de lycée. Mais je crée un projet dans lequel participaient 6000 personnes. Et je fais ça avec le docteur Yael Arel, qui m'a aidé énormément et qui est venu ici plusieurs fois pour étudier l'enseignement de maître Omar Mikael Ivanov. Et ensuite, on a créé vraiment, pendant 7 ans, un événement qui était basé sur le théâtre, sur l'étude folklorique, sur les études de nourriture différentes dans le pays, mais surtout, ce qui nous a été une grande surprise, c'était au moment où on s'est occupé de la musique. Parce que là, on a dit à tout le monde, amenez vos instruments de musique. Et alors, ils ont amené leurs instruments de musique. Alors, les Juifs, ils ont amené des instruments de musique occidentales. D'ailleurs, moi aussi, je suis occidental, je suis des parents polonais, hein. Mes deux parents sont polonais. Donc, ma mère, maintenant, c'est l'Ukraine, mais c'est en réalité, je suis européen, par origine. Et donc, on a amené des instruments de musique européens, occidentales, mais eux, ils ont amené des instruments de musique qu'on n'a jamais vus. Ça veut dire, les Juifs, ils n'ont jamais vu la musique, je connais pas les mots, mais tous les instruments de musique qu'ils ont amenés, c'était vraiment impressionnant. Et là, j'ai dit, mais alors c'est l'occasion de créer une co-culture, de faire une unité de culture. Et vous allez jouer avec ces instruments, eux, ils vont jouer avec leurs instruments, et vous allez créer des chants de la paix. Comment vivre la paix entre Juifs et Arabes? Et là, je te parle, ce projet a commencé en 87. Pour moi, il a démarré pendant 7 ans, jusqu'à 94. Et ensuite, ça continuait jusqu'à encore une quinzaine d'années. Jusqu'au moment où la dame, la professeure qui nous a remplacés, elle est partie à l'autre monde. Donc voilà, ça a été arrêté, mais c'est dommage. Parce que c'est toujours une personne qui tient la chose. Ensuite, il y a aussi d'autres activités que j'ai faites dans cette école qui est une branche universitaire, Beit Berl. Là, on a fait des rencontres à plusieurs niveaux. On a fait avec les étudiants, pour les préparer les étudiants aux exercices de théâtre, exercices sociaux, exercices avec les gens qui vont arriver. Mais en même temps, nous avons fait aussi des exercices d'atelier de théâtre avec les professeurs de toutes les écoles. Alors là, c'était vraiment très intéressant parce que dans les professeurs, il y avait des côtés arabes que des hommes et les côtés juifs que des femmes. Parce que dans le monde occidental, c'est surtout les femmes qui enseignent. Et dans les écoles, dans les collèges, c'est surtout les femmes. C'est rare qu'il y ait de plus en plus, d'ailleurs, il y a des hommes, mais dans l'époque de 80, fin 80, début 90, c'était surtout des femmes. Alors c'était très étonnant. Hein? Mais d'un côté, il y avait les Arabes hommes, d'un côté, les Juifs femmes. Et voilà que je leur fais aussi une sorte de psychodrame. Mais racontez-moi votre vie, racontez-moi qu'est-ce que vous avez passé dans votre vie par rapport à judéo-chrétien, judéo-arabe, judéo-musulman. Et là, les Arabes, ils avaient tellement de choses à cracher. Ils ont commencé à cracher. Et leurs difficultés, et leurs trucs, et vous ne me connaissez pas, etc. Et les Juifs, ils étaient comme ça, bloqués. Parce qu'ils étaient les dominants dans cette situation. Et on commençait à jouer des pièces de théâtre, on commençait à comprendre certains aspects que les dominants et les dominés, en réalité, c'est le même rôle, mais à l'inverse. Et qu'il faut, quand on est dominant, il faut savoir que le meilleur moment de comprendre son dominé, c'est de le jouer. Et quand on le joue, ça veut dire qu'on entre dans sa tête. Et à ce moment-là, on connaît ses chaussures, on connaît sa réflexion, on connaît son cœur, on connaît ses actions. Et à ce moment-là, on peut vraiment créer un contact. Et comme ça, je travaille depuis premier semestre avec eux, je sens que ça marche. Et puis on arrive au deuxième semestre, tout le monde a fait l'intellectualisme analyse, et ils viennent, et de chaque côté, les juifs comme les arabes, les musulmans, ils viennent me voir et me disent, mais toi tu es traître, tu es juif, donc tu es avec les juifs. Et les juifs, ils me disent, non, tu es un traître parce que tu es avec les arabes. Donc j'ai été le traître de tout le monde. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez là, moi? Je travaille avec tout le monde de la même façon, je suis un citoyen du monde. Et je viens faire un travail de paix et de fraternité avec vous pour l'unité. Et je m'en fiche de ce que vous pensez, je m'en fiche de votre limite de la pensée, parce que vous, tout de suite, vous mettez une étiquette. Vous êtes l'étiquette de ci, vous êtes l'étiquette de ça. Non, je ne suis pas dans l'étiquette que vous mettez. Je suis le frère de vous, de la même façon que je suis le frère de vous. Je suis le même frère, je n'ai pas changé. Et là, j'étais très fort pour mettre ça en clair. Et bien sûr, on a terminé ce séminaire avec un spectacle de Mohamed Bakri, que j'ai travaillé avec lui sur plusieurs spectacles en Israël. Et ensuite, bien sûr, nous faisons des réunions autour de l'enseignement de la Fraternité Blanche Universelle. Alors ça, c'est plus récemment, donc... Non, ça a toujours été. Là. D'accord. Ça a toujours été. Depuis toujours, on a eu... Ça a commencé avec Sœur Martine Bargas, Zohar, qui était mon épouse, qui était une sœur qui est venue à la fraternité depuis 1960. Mm-hmm. Elle a connu le maître quand elle était un enfant, un bébé presque. Quoi. Avec Martine, nous avons fait, à l'époque on était en Italie, on faisait beaucoup de réunions, même une fois par semaine. C'était une fois par semaine, il y avait plein de frères et sœurs qui venaient. C'est de comprendre que dans les réunions, il y avait des druzes, des musulmans, de chrétiens. Dans des réunions que vous faisiez de présentation, d'enseignement d'Omra Mikhaïla Ivanov chez vous. Donc. Bien sûr. D'accord. Et donc, il y a toujours des gens qui s'intéressent. Déjà, nous avons publié 12 livres en hébreu, et il y a autant de livres en arabe. De prosveta Israël. Donc. Oui, donc, c'est pas un prosveta. Nous sommes distributeurs et il y a une édition Had Keren. Qui viennent, ça c'est une anecdote très intéressante, parce qu'un jour, un coup de téléphone d'une dame, nous voulons venir vous voir parce que nous créons une nouvelle édition, Had Keren, et on aimerait éditer aussi vos livres. Ah, avec joie, venez, on a fait une réunion chez nous, et là, elle me raconte une histoire, elle dit, un jour, je me promène dans la ville de Tel Aviv pendant l'hiver, et je vois un livre violet par terre, dans l'eau de la pluie. Je ramasse les livres, je vois création artistique et création spirituelle en hébreu. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je cours tout de suite, Omra Mikhaïla Ivanov, mais c'est qui? Je cours tout de suite à la maison, je sèche le livre et je n'ai pas arrêté de lire toute la nuit, j'ai terminé le livre. Et c'est ça que j'aimerais éditer, c'est éditeur. C'est ça qu'il faut éditer. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé l'édition, avec cette édition-là. Déjà, il édite nos livres. Ce livre est déjà une douzième édition. Et de Puissance de la pensée, bientôt quatrième édition. Quatrième édition. Et donc, vous distribuez des livres qui sont autant traduits en hébreu qu'en arabe. Ah, oui, oui, oui, mais ce n'est pas le même livre. Mais il y a une traductrice au Liban, mais distributeur de livres en arabe. Et d'ailleurs, le plus grand lecteur de livres en arabe, ce sont des druzes. Il faut connaître cette religion. Les druzes dans le monde, il n'y a pas plus que 2 millions. Ce sont des croyants de la réincarnation. Ils vivent la réincarnation. C'est des êtres qu'avec Martine, on est allé pendant 20 ans, très souvent chez eux, pour étudier la réincarnation. Ils ont une connaissance extraordinaire. Mais au début, ils ont toujours peur. Alors on leur dit, écoutez, si on vient vous poser des questions, ce n'est pas vous mettre dans l'embarras. On croit à la réincarnation quand même. On vient d'étudier avec vous. Racontez-nous et on échange. Les druzes, ils ont quitté l'islam il y a 1000 ans ou quelque chose comme ça. C'est une branche qui est sortie complètement de l'islam. Ils ne font pas les mêmes choses. Mais en même temps, ils ont une foi absolue. Quoi. C'est d'être fantastique. Tu sais, une fois, je suis allé chez quelqu'un, c'est le frère d'un ami. Lui, il a fait une retour à la religion druze. C'est fantastique, moi j'étais désert. C'est quelqu'un qui n'était pas religieux pendant des années, et un jour il a décidé de faire le retour à la religion druze, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais écoutez, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans votre religion. C'est vraiment bizarre pour moi, parce que vous dites que quelqu'un qui meurt, il doit tout de suite trouver sa prochaine incarnation. Et il doit trouver donc une femme enceinte. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait partir l'autre âme qui est là, il se met à la place. Alors il me dit, peut-être c'est pas comme ça exactement. Et ensuite, je lui pose la question, mais comment ça se fait que quelqu'un qui fait des études à l'université et qui fait un doctorat et qui après il vient enseigner, et pour avancer dans ses degrés à l'université, il doit passer des années pour des réunions, des comités, pour qu'on lui donne, si ça passe 5 ans pour le prochain, pour les... maître de conférence, et après professeur, etc. Il faut passer des années. Et vous, c'est en une seconde, il entre dans le ventre d'une femme et ça y est. Alors là, il m'a donné une réponse extraordinaire. Parce qu'il m'a dit, mais vous, vous parlez du temps terrestre. Mais il n'y a pas de temps terrestre au ciel. Comment vous savez que pendant les 2 secondes que ça se passe sur la terre, il passe des milliers d'années au ciel? Et on fait passer les temps beaucoup plus rapides que vous croyez. Donc on lui fait passer toutes les épreuves nécessaires, et après il est prêt pour continuer. Et c'est une réponse fantastique pour moi. Tu vois donc les études qu'on a fait sur la réincarnation, avec les gens qui vivent ça, parce qu'il peut te raconter que lui il était et qui il était. Et au début tu mets des doutes, parce que tu dis qu'est-ce que c'est cette histoire. Alors on a fait un film avec une druze. Elle a terminé ses études de cinéma, elle venait nous voir et puis elle a dit, vous voulez venir voir, je vais faire un film sur la réincarnation, parce que nous on parle tout le temps de la réincarnation avec eux, on leur dit le meilleur film que vous pouvez faire c'est sur la réincarnation, parce que vous allez faire évoluer toute la terre avec votre connaissance. Elle a dit oui, mais on va le faire. Alors elle va avec moi avec sa caméra et puis elle interroge son professeur d'anglais. Et alors lui, il raconte qu'il avait 16 ans et il était sur un âne. Et une camionnette l'a tué. Une camionnette est venue d'un seul coup et l'a tué. Et il est né à la maison voisine de la maison où il était quand il avait 16 ans. Alors la différence maintenant, c'est quand il avait 16 ans, il y a ses parents qui lui permettent d'aller dans la maison. Quand il avait 16 ans et il est mort, c'est là qu'ils viennent pour vérifier sa vie passée, dès qu'il avait 2 ans. Et la maison de ses parents actuels lui permet d'aller là-bas. Et à un moment donné, il ne sait plus qui sont ses vrais parents, parce que les deux familles sont ses parents. Parce qu'il donne des preuves, là. Il donne des preuves. Il y a énormément de preuves. Il y a un frère qui nous a raconté ça, un frère chez nous, Druze. Alors il a dit, mais vraiment, psychologiquement, jusqu'au moment où mon père de cette vie-ci m'a dit, ça suffit, tu restes chez nous, tu ne vas plus là-bas. Alors là, Il a dit, ça y est, je suis revenu chez moi et je savais qui je suis. Et il y a un frère chez nous, Nassib. Il dit, je ne croyais pas à l'incarnation. Et un jour, une fille vient derrière la rue. Moi, j'habite ici et elle habite derrière la rue, de l'autre côté de la rue. Elle vient avec sa mère et elle dit, je suis ta mère. Tu t'appelles Nassib. Et je connais toute ta famille et même j'ai caché des choses dans la maison. Je vais vous découvrir les choses que j'ai cachées dans la maison. Et ben, elle entre dans la maison. Elle entre. Elle ouvre l'armoire. Et chez eux, l'armoire, c'est plein de vêtements et tout ça. Et c'est parfois des armoires comme ça, immenses, avec un mètre de profondeur, des trucs comme ça. Et elle entre, parce qu'elle est toute petite, 3 ans, je ne sais pas, 4 ans. Elle entre dans l'armoire, elle trouve quoi? C'était des bonbons. Des bonbons qu'elle a cachés, qu'elle voulait distribuer à ses enfants. Mais elle a 4 ans, elle distribue un bonbon à un monsieur qui a 50 ans. Plus âgé qu'elle, mais dit tu es mon fils et lui donne le bonbon et après il dit bon, ça commence à, hein, ça suffit, hein, on va vérifier vraiment. Alors il dit asseyez-toi avec ta mère là, il va dans une autre chambre, il cherche l'album de photos et là dans l'album de photos c'est lui, mais c'est lui quand il était enfant et tous ses frères et sœurs. Il vient la voir, puis il lui laisse à elle d'ouvrir l'album, il dit rien. Elle ouvre l'album, elle connaît tous les noms. Elle dit, ça c'est toi, ça c'est ton frère, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est mon mari, ça c'est ça. Elle reconnaît tout le monde, elle dit, comment je peux ne pas croire à ça? Comment elle connaît tout ça? Et puis il y a plein d'exemples comme ça depuis des années qu'il donne. Bon, maintenant, je te raconte les rencontres avec les musulmans. Ça c'est autre chose. Parce qu'avec les musulmans, ça c'est vraiment surprenant. On arrive dans un village musulman, et là, tous les frères et sœurs viennent. Tous les frères et sœurs juifs, druzes, tous ils viennent, chrétiens, parce que ça les intéresse. Ça les intéresse d'aller dans un village arabe, ou une ville arabe. Ça les intéresse de voir. Donc ça veut dire que c'est pas très courant les échanges entre non, juifs et. Non, pas très courant, dire, mais ça existe. Ça existe. Ouais. Comme ce n'est pas courant en France, les échanges oui. Chrétiens-musulmans. C'est pas courant non plus. Donc c'est la même chose. Donc quand on va là-bas, il y avait plein de monde, quoi. Et là, donc, on parle de l'enseignement, bien sûr, on parle de livres, on lit... De l'enseignement, donc, du maître. De oui, donc, on lit le passage, on lit, on voit une petite vidéo, on traduit en anglais, on traduit en hébreu, pour que tout le monde peut comprendre. Et ça donne moi, l'hôte, le monsieur, à qui appartient cette maison, il dit, c'est quand même fâcheux. D'entendre votre enseignement sans dire un mot sur l'islam. Vous êtes chez moi ici. Il est musulman, il est croyant. Alors là, c'est vraiment un coup terrible. Il faut le savoir quand même. C'est un coup terrible parce que qu'est-ce que je vais lui dire? Et je lui dis, s'il vous plaît, laissez-moi du temps. Je vais vous parler, mais après la réunion. Et on va parler tous les deux. Je vais vous raconter certaines choses. Et bien sûr, après la réunion, moi, je suis allé vers la vaisselle pour faire la vaisselle. Mais la dame, la musulmane, elle dit, mais chez moi, tu fais jamais la vaisselle. L'homme, il ne va pas faire la vaisselle. J'ai dit, mais oui, mais il faut habituer les êtres humains de faire les efforts, faire des sacrifices, faire le travail. Mais qui doit faire la vaisselle ici? C'est moi qui dois faire la vaisselle. Je dois donner l'exemple à tout le monde, n'est-ce pas? Elle dit, non, pas chez moi. Mais imagine-toi, qu'est-ce qu'elle a fait déjà, cette femme? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour nous inviter? Les tables étaient super remplies. Oh, que je lui ai dit 1000 fois, je lui ai dit au téléphone, c'est nous qui amenons la nourriture. Ne faites rien. C'était rempli d'une félicité extraordinaire, de tout ce que tu veux. Hein. Pas de la viande, mais c'était végétarien. Et là, il me rattrape, il me dit, bon, je vois que tu ne vas pas faire la vaisselle avec ma femme. Alors raconte-moi. Alors je lui ai dit, écoute, pas très loin d'ici, il y a le village qui s'appelle Oum El Fahem. Le village Oum El Fahem, c'est un village à 100% musulman. Il y a peut-être quelques chrétiens, mais très peu. Et des juifs, il n'y a pas là-bas. Et je lui dis, là-bas, il y a un élève à moi. Il fait un doctorat de science computer au Technion. Et il suit. Il me suit depuis presque 10 ans. Il a joué avec moi de théâtre, il a voyagé avec moi à Saint-Pétersbourg, il a passé aussi des épreuves que j'ai fait passer avant d'aller à Saint-Pétersbourg. On a fait une épreuve avec la pièce pour voir si la pièce vaut quelque chose devant les enfants judéo-arabes, handicapés, mais très handicapés, qui ne parlent pas. Et on a joué devant eux, mouillés. Et j'ai vu les réactions des enfants, j'ai dit, ça, cette pièce peut jouer aussi à Saint-Pétersbourg. Et là, on était invités dans un festival international, et c'était fantastique. Donc, cet élève-là, il garde un bon contact avec moi, et quand il va avoir son premier enfant, il me dit, il s'appellera Mohamed. J'ai dit, non, tu ne vas pas l'appeler Mohamed. Il dit, comment? Nous, premier enfant, et puis sa femme, elle est aussi un peu fâchée. Comment tu vas nous décider? J'ai dit, écoute, tu vas partir maintenant 3 mois à Zurich. Parce qu'il est invité partout, par Google, IBM, c'est un génie. Et son épouse aussi, hein, elle est dans la peinture, dans le dessin, c'est aussi un génie. Ils sont tous les deux des génies de haut niveau. Tu ne vas pas appeler parce que tu vas à Zurich. Et quand tu vas sortir comme ça, tu vas aller dans la campagne, voir la nature et tout ça, et tu vas appeler Mohamed, viens ici, tu vas voir la réaction des gens. Il faut que tu lui donnes un deuxième nom. Ici en Israël, tu l'appelles Mohamed, et là-bas, tu l'appelles Jordan ou quelque chose, pour faciliter tes relations avec tes collègues là-bas. Il va sortir avec ses amis. Non, non, non, non, ils n'ont pas accepté. Quelques mois plus tard, ils viennent me dire, tu avais raison, tu connais les Européens, tu connais les Européens. Et alors je lui dis, cet élève-là, qui est maintenant un docteur, qui réussit dans le monde, il me dit, c'est toi, hein, le grand-père de mes enfants. Et Barbara aussi. Elle me dit, comment, grand-père? Mais ton père, il est vivant. Oui, mais il ne fonctionne plus. C'est toi. Donc, à un moment donné, moi j'avais un anniversaire, je les ai invités à un repas comme ça avec des amis. Et puis, ils me donnent le bébé, Mohamed, à la main. Et c'est Barbara qui fait la photo. Et moi j'envoie la photo à ma famille en disant, je suis devenu grand-père. Il s'appelle Mohamed. Oh, comment? Depuis comment? Comment ça se fait? Que tu as un petit-fils, Mohamed, mais tu es marié avec qui? Mais c'est Barbara, c'est pas possible. Ils voulaient savoir exactement. Bon, pour les tranquilliser, je leur ai raconté l'histoire. Voilà, donc et là, à partir de là, la confiance a été rétablie avec cet ami. Alors, en préparant notre interview, vous m'avez raconté aussi cet aspect qui est vraiment extraordinairement intéressant, je trouve, c'est que ces réunions de présentation de l'enseignement d'Omar Mikhaïla Ivanov, donc vous présentez l'enseignement, faites le repas avec le Rani Yoga, ou dansez la panurythmie, et puis dans l'après-midi, à nouveau, donc là, il y a ces séances de jeu théâtral thérapeutique. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ça? Oui, c'est exactement la même méthode, parce que quand le frère et sœur israélien, ou les gens qui s'intéressent, qui ne sont pas encore des frères et sœurs, il y a des gens qui viennent de tous les pays, ils sont libres, quoi. Ils viennent parce que j'annonce la réunion à Facebook pour le monde entier, et les gens viennent comme ça. Ils annoncent leur arrivée, puis ils sont les bienvenus. La seule chose qu'on leur demande, c'est que pour qu'ils ne soient pas choqués, il faut qu'ils lisent un peu la pensée. Il y a plein de livres, il y a déjà 12 livres traduits en hébreu. Il faut le lire pour être prêt, pour ne pas être choqué par cette gentillesse extrême, par cette subtilité de frères et sœurs qui vient, par cette spiritualité très, très délicate, savoir déjà manger en silence, s'exercer à la maison. Donc il y a quelques demande avant de venir. Mais en réalité, c'est ouvert au monde entier. Parce que, par exemple, en Facebook, il y a 3500 gens qui sont inscrits. Donc ils peuvent venir. Donc, le site que vous avez créé, qui est un site ouvert, donc un groupe Facebook, qui s'appelle comment donc ? Universal Brotherhood Haifa. Donc, universelle Haifa. Donc là, pour donner à certains l'intérêt de nos contacts, chacun apporte quelque chose de ce qu'il connaît. Alors il y a quelqu'un qui parlait de médiumnité par rapport au livre sur l'invisible, qui est sorti en hébreu. Alors il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de la panorythmie, l'explication de la panorythmie, etc. Donc, il y a des explications, des petites conférences, de 15 minutes, des questions. Et puis moi je leur propose de faire un atelier de théâtre. Et je dis que c'est le théâtre spirituel, médical, solaire. Et qu'il faut comprendre qu'on se lie. Médical, spirituel, solaire. Oui, ça veut dire qu'on doit se relier, se lier de toute notre force, de toute notre foi à cette action théâtrale si on veut vraiment être guéri. Parce que sinon, si on n'est pas engagé, ça ne se passe pas. Si on vient seulement pour jouer, pour faire des petites scénettes, etc. Donc, il faut se préparer à savoir qu'il y a des moments où les larmes commencent à couler, hein, parce qu'on touche les sujets qui sont essentiels à chacun de nous, de notre vie. Donc, on touche la vraie vie qui chacun de nous a passée, ou a éprouvée, ou a connue dans la vie, donc avec des difficultés. Par exemple, une fois c'était sur une sœur qui avait la difficulté dans son travail, qui ne trouvait pas des contrats, qui ne trouvait pas... Donc on commence à faire une première scène, et puis on arrête la scène, et puis on demande la sœur à savoir est-ce que ça va, est-ce que ça la convient, est-ce que c'est... Ça. Et puis ici, elle dit non, c'est pas exactement comme ça. Alors on essaie de jouer à ça d'une autre façon. Mais à fur et à mesure de monter. On représente non plus le rêve, mais là, la réalité vécue, oui. Et une réalité qui peut poser donc difficulté, et qui est donc interprétée par les personnes qui sont présentes. Oui, oui. Et moi, je dis par humilité, et il faut toujours être humble parce que. Je dis que si nous, on arrive à faire 50% du travail, on espère, on prie, le Seigneur, les anges, les archanges, tout l'arbre de la Kabbale, tout ce qu'il y a comme des êtres saints, et c'est sacré pour nous, on leur demande d'intervenir. Et à ce moment-là, il y a des miracles, parfois, pas toujours, mais il y a des miracles. Et donc, vous terminez toujours vos ateliers, enfin vos journées de présentation par ces ateliers. Par exemple, à Jérusalem, nous avons fait la dernière réunion avant de venir ici. Nous avons fait une réunion près du Parlement israélien, le Knesset, dans le Jardin des Roses. C'est un endroit superbe, hein, c'est très joli là-bas. Et puis, on a démarré cette idée après avoir fait tout... la méditation, les conférences, on a écouté une heure de conférence avec traduction, c'était en anglais cette fois-ci, donc celui qui ne comprenait pas, on traduisait. Et puis on a joué, on a mangé, dansé la panorythmie, mangé en silence. Et puis là, je propose le théâtre, et puis je leur dis, ben, est-ce que quelqu'un a apporté quelque chose? Parce qu'il faut que d'une rencontre à l'autre, quelqu'un apporte quelque chose. Et là, il n'y a rien. Alors je dis, bon, ben, si c'est comme ça, on va lire une pièce de théâtre. Et je sors le nouveau livre qu'on vient d'éditer en hébreu, L'enfant qui savait voler, ou qui sait voler. En hébreu, c'est L'enfant qui sait voler. Et L'enfant qui sait voler est une pièce de théâtre pour les enfants. Il y a déjà des enfants de 5 ans qui ont lu, et puis des enfants de 80 ans qui ont lu. Et là, il y avait une lecture de cette pièce, pendant, je ne sais pas, 45 minutes, ils étaient ravis. Il y avait le silence absolu après la lecture et une joie extraordinaire. Nous, on avait un rendez-vous, mais on savait, parce qu'ils voulaient continuer. C'était 3h30, l'heure où on termine normalement. Tout le monde restait. On voyait le soif dans les yeux. Et puis, on a dit qu'on doit partir parce qu'on a un rendez-vous de quelques minutes dans un autre côté de Jérusalem. Et on ne connaît pas très bien Jérusalem. Donc, on est parti comme ça. Eh bien, c'est sur cette magnifique image de sérénité, de réconciliation et je dirais plutôt de découverte de la part intime et qui est donc universelle de l'être humain qu'on va se quitter pour cette interview. Merci beaucoup à vous pour votre effort, votre travail, tout ce que vous mettez pour cet avenir magnifique de l'humanité tout entière. Ainsi s'achève cette rencontre avec Uriel Zohar, réalisateur, homme de théâtre, interprète, auteur et professeur. Merci Uriel. Merci beaucoup à vous deux et puis Barbara.